nous voyons l'œuvre que Christ a accomplie pour que la justification soit possible. Il y a deux choses qui sont citées ici par Paul. Il y a l'œuvre de rédemption et l'œuvre de propitiation. Le verset 24 dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus. » Le mot « rédemption » fait allusion au rachat de quelqu'un qui était esclave. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu étais vendu, sans Jésus tu étais vendu, esclave de Satan, esclave des démons, esclave des sorciers, esclave de la loi, esclave de toutes sortes de puissances, esclave du péché. Mais quand Jésus est mort, il a versé son sang sur la croix de Golgotha, il a payé par son sang pour que tu sois libéré. Est-ce que tu comprends? C'est ça l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi la Bible nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand je suis en Jésus, le diable ne peut plus dominer sur ma vie. Le démon, la sirène des eaux ne doit plus dominer parce que je suis racheté à grand prix. C'est ça l'œuvre de la rédemption. Deuxième œuvre, c'est l'œuvre de la propitiation. Vous voyez, le verset 25 dit « Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. » afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Quand on dit victime propitiatoire, ça nous renvoie à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans le lieu très saint. Lorsque une fois l'an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, qu'est-ce qu'il faisait? Il immolait un animal sur un couvercle qui était sur l'arche. C'est ce couvert qu'on appelait propitiatoire. Parce que lorsque le sang était versé sur le propitiatoire, Dieu qui était représenté par les deux chérubins ne voyait plus les péchés de l'homme. Donc le sang avait le pouvoir de couvrir le péché de l'homme et d'apaiser la colère de Dieu. Vous voyez, c'est la même notion qui revient avec le sacrifice de Jésus. La propitiation, c'est le fait d'apaiser la colère. Dieu était fâché avec l'homme, Dieu s'est mis en colère à cause du péché de l'homme. Et lorsqu'il voit le péché de l'homme, il est obligé d'exécuter la sentence. Alors, le sang de Jésus versé sur la croix fait l'œuvre de propitiation, cela veut dire ça apaise la colère de Dieu. Lorsque tu viens à travers le sang de Jésus, Dieu ne te voit plus pécheur, il ne voit plus tes péchés. Il te voit maintenant saint parce que le sang de Jésus te purifie de tous tes péchés. C'est pourquoi la Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien, tu étais dans les œuvres de mysticisme, dans les œuvres de sorcellerie. Mais le Seigneur t'a pardonné. Lorsque tu es venu en Jésus, il a déjà pardonné tes péchés. Tu es racheté à grand prix. Et le Seigneur a accompli, Jésus a accompli l'œuvre de propitiation. La colère de Dieu s'est transformée en grâce. Tu n'es plus l'objet de la colère de Dieu. La colère s'est transformée en grâce parce que tu reçois le pardon des péchés. Est-ce que tu comprends? Troisième vérité. La justification s'obtient par la foi et non par les œuvres. Il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que Dieu peut les approuver à cause des offrandes qu'ils donnent, à cause des voitures qu'ils ont offertes aux pasteurs, à cause de telle autre chose, parce qu'ils ont donné des biens aux orphelins. Ce n'est pas mauvais. Les bonnes œuvres sont une évidence de la foi. C'est-à-dire, lorsque je crois en Jésus, c'est bien que je puisse produire des bonnes œuvres. Je puisse donner l'argent, soutenir l'œuvre de Dieu, aider les pauvres. Ça, ce sont les bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas ces bonnes œuvres qui nous sauvent. Il faut que cela soit clair. Parce qu'il y a des gens qui se limitent aux bonnes œuvres, mais sans passer par la nouvelle naissance, sans croire en Jésus-Christ. Dans ce cas, même si tu fais des bonnes œuvres, tu iras en enfer. Est-ce que tu comprends? Il est écrit ici, au verset 26, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc ce n'est pas par la loi des œuvres que nous pouvons être sauvés. Nous connaissons l'histoire d'un homme qui s'appelait Corneille, qui faisait beaucoup d'aumônes et de bonnes œuvres. Dieu a envoyé Pierre pour lui prêcher l'évangile afin qu'il croie en Jésus parce qu'il a vu que ses œuvres ne suffisaient pas. Je vais parler à quelqu'un. Oui, tu fais beaucoup de bonnes œuvres. Tu dis que tu aides les pauvres. Tu fais beaucoup de choses. Mais tu ne dois pas te limiter là. Il faut que tu croies en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel pour que tu sois sauvé. Quatrième vérité. Tous les hommes, juifs comme non-juifs, sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez ? La foi, c'est l'élément fondamental. Il y a, les juifs représentent les religieux. Il y a des gens qui pensent que, comme ils sont membres d'une église catholique, protestante, une église méthodiste, presbytérienne, l'église réformée, qu'ils sont sauvés. Non, ce n'est pas l'église qui te sauve. Juif, religieux, tout comme non-juif, ce qu'on appelle communément le païen ou le gentil, le dénominateur commun pour être sauvé, c'est la foi en Jésus seul. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille chrétienne, d'une famille catholique, d'une famille protestante que tu seras sauvé. Non, vous voyez, il est dit ici au verset 29, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs, ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les incirconcis bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais que nous puissions louer ce matin ce Dieu en chantant ces cantiques. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Gloire au Seigneur, il est digne de louange. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir le Seigneur, lui qui s'est révélé à toi, lui qui t'a justifié, lui qui t'a racheté par le sang de son Fils Jésus-Christ. Te bénissons Jésus, toi le Dieu ressuscité. Sois béni ô notre Dieu, notre Seigneur, toi qui opères des miracles. Tu es celui qui nous libère de toutes les chaînes de l'ennemi. C'est pourquoi nous te louons en ce moment. Nous te bénissons et nous te glorifions. Toi le Dieu qui veut que nous soyons réellement libres et que les membres de nos familles soient libres. Nous bénissons ton nom en ce moment et nous brisons tout lien du ténèbre qui nous empêche d'être libres au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus tous les liens du ténèbre qui empêchent à ceux qui nous suivent en ce moment de pouvoir jouir réellement et pleinement de leur salut. Oh, sois béni, toi le Dieu vivant, le Dieu insondable, le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui agit dans nos vies à cause de ton nom. Nous bénissons ton nom et nous t'élevons en ce moment. Toi, la vie éternelle, merci. Toi qui nous as sauvés de la mort éternelle et qui nous sauve jour après jour. Nous bénissons ton nom en ce moment et nous te glorifions. Toi, le Dieu vivant, le Dieu plein d'amour. Sois magnifié, toi le Dieu qui veut te manifester pleinement dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si cette émission vous a fait du bien, partagez avec quelqu'un. Parce que vous pouvez suivre partout dans le monde sur le site web www.radiofréquentevie.com. Notre texte du jour, c'est Romains chapitre 3, 21 à 30. Nous venons de voir que la justice de Dieu nous a été révélée par la foi et non par la loi. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés gratuitement en Jésus. Je voudrais te demander, toi qui m'entends, si tu as déjà rencontré Jésus, tu vas dire merci au Seigneur Jésus de ce qui s'est révélé à toi par la foi. Il t'a pardonné tes péchés. Tu vas lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Élève ta voix. Sur la brèche, la très excellent Père. Je te dis merci. Je te dis merci d'un cœur reconnaissant. Je te dis merci avec paix et joie. Je te dis merci avec assurance pour Jésus-Christ que tu as donné. Merci Père éternel d'un cœur reconnaissant. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je te dis merci, ô Père éternel, parce que tu as permis à ce que nous ayons la vie éternelle par Jésus-Christ. Je te dis merci, ô Père éternel, parce que tu as créé en nous le vouloir et le faire. Je te dis merci, ô Père éternel, parce que tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons par Christ qui nous fortifie. C'est un moment, c'est une opportunité, ô Père éternel, que nous saisissons pour te dire merci, parce que c'est toi qui as permis que nous ayons la nouvelle naissance. C'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous sommes nés de nouveau. La foi que nous avons en toi vient de ta parole. Tout ce que nous le sommes à cause de toi. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais d'exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits, pour ta sécurité, pour ta protection, pour la paix que tu nous donnes, pour l'assurance que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel de ce que tu as fait de nous, enfants de Dieu. Merci Père éternel parce que malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré les défis que nous pouvons traverser, Christ est mort pour nous et toi tu ne dors ni ne sommeilles, tu nous aimes de façon irréversible. Merci Père éternel, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, l'œuvre de rédemption. Il nous a rachetés de l'esclavage, de Satan, du péché, l'œuvre de propitiation qui a consisté à apaiser la colère divine. Tu vas prier maintenant. Tu vas refuser toute forme d'esclavage. Il y a peut-être un péché qui domine sur toi. Il y a peut-être les hommes de ce monde, les tyrans qui cherchent à t'opprimer. Il y a peut-être des esprits méchants, la sirène des eaux, les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y a peut-être les puissants des ténèbres qui agissent dans ta famille, les esprits qui veulent t'assujettir aux coutumes. Tu vas déclarer que toi, tu as été racheté par le sang de Jésus et que toutes ces forces n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Tu vas les repousser loin de ta vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes devant ton trône encore pour élever ton digne nom. Parce que je sais une chose, que par ta grâce, tu m'as racheté au prix de ton sang. Tu m'as racheté au prix de ta vie. Et ce matin, c'est une grâce, un privilège que tu m'accordes pour encore ôter tous les liens de malédiction, les liens d'envoûtement de sort qui essayaient de parler contre ma vie. Père, je prends autorité et je déclare selon ta parole qu'il n'y a point de condamnation sur ma sœur, sur mon frère, car nous sommes en Jésus-Christ. Christ de Nazareth, ce matin, je suis libre. Selon Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Merci Père pour cette liberté accordée dans ton sang à mon frère, à ma sœur. Merci parce que tu nous as libérés pour travailler. Tu nous as libérés pour avancer dans la vie. Tu nous as libérés pour prendre possession, pour marcher dans la domination. Tu nous as libérés par le sang de Jésus-Christ pour avancer, nous marier, pour faire des enfants, pour ne pas être sous le joug de la malédiction, de la sorcellerie, des démons, des esprits maléfiques, des esprits de l'enfer qui essaient de nous contrôler. Tu nous as libérés du péché par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés, guéris. Nous sommes protégés. Nous avançons. Béni sois-tu. Louange et gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui pensent que c'est par leurs œuvres qu'ils peuvent être sauvés. Que Dieu se révèle à toutes ces personnes-là dans le nom de Jésus afin qu'elles comprennent que leurs œuvres ne suffisent pas. Elles ont besoin de rencontrer Jésus-Christ par la foi. Mais nous allons prier pour que les bonnes œuvres puissent accompagner notre foi en Jésus-Christ afin que le monde voit que réellement nous sommes sauvés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te retournons toute la gloire ce matin parce que tu nous rappelles que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, plutôt par la foi. Et c'est cette foi, oui, qui nous permet ce matin de nous tenir à la brèche pour confesser que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur personnel. Merci Saint-Esprit, car par notre foi en Jésus-Christ, nous allons marcher et vivre selon les bonnes œuvres, manifester les œuvres de la charité, manifester les œuvres du fruit de l'Esprit pour récupérer toutes nos possessions. Pour être des enfants dignes de ton nom, pour avoir des témoignages à la gloire de ton nom, pour que quiconque nous voit reconnaît que nous sommes des fils du Très-Haut et que notre identité en Christ nous permet maintenant même de nous marier et être heureux dans le mariage et pour jouir du fruit du mariage avec les enfants que Père, tu nous donnes. Que le monde voit que par le zèle et la force de notre foi en Christ nous permet d'être réellement libres, d'être maintenant guéris de toutes sortes de maladies et pour que dans notre société, dans nos carrières, dans nos affaires, nous puissions faire la différence entre ceux qui servent Dieu, ceux qui ont l'Esprit, ceux qui ont Jésus-Christ et ceux qui n'en ont pas. Merci Seigneur notre Dieu pour ta bonne main qui nous accompagne, pour ta grâce qui nous favorise. Merci et merci pour toutes choses que nous avons de toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Je voudrais rappeler que le dimanche 14 février, nous allons poursuivre notre thème. Quitter la cendre pour porter les diadèmes dans le cadre de nos rencontres d'enseignement et de prière bonheur conjugal pour les célibataires. Nous rappelons qu'il y a deux services. Le premier service commence à 16h et le deuxième à 18h. L'entrée est libre. Ce sera au CPE dans la même cour que la radio Fréquente Vie, Cocody, Cité des Arts. Que Dieu vous bénisse et à demain. La puissance par son bras puissant faisons.